La cérémonie d'inauguration de l'exposition de photos au niveau central, consacrée au 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême du Parti du Travail de Corée et de l'État Suthaim, pour opérer un grand tournant, événement révolutionnaire, a eu lieu le 3 avril au Palais de la Culture du Peuple. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et d'autres cadres intéressés et les travailleurs de la capitale. Ils sont exposés des photos montrant la qualité de grand homme du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui conduit à la victoire avec l'éminente idéologie et par sa direction révolutionnaire énergique, la grande cause du Mont Paektun, empreinte de toute la vie du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il.